Asseyons-nous. Parlez, j'écoute. Christian s'assied près d'elle, sur le banc, un silence. Je vous aime. Oui, parlez-moi d'amour. Je t'aime. C'est le thème, brodé. Je vous, brodé. Je t'aime tant. Sans doute, et puis, je serais content si vous m'aimiez. Dis-moi, Roxane, que tu m'aimes. Vous m'offrez du brouet quand j'espère des crèmes. Dites un peu comment vous m'aimez. Mais beaucoup. Oh, délabérinez vos sentiments. Ton cou, je voudrais l'embrasser. Christian, je t'aime. Encore? Non, je ne t'aime pas. C'est heureux. Je t'adore. Oh! Oui, je deviens sot. Et cela me déplaît, comme il me déplairait que vous devinssiez laid. Mais, allez rassembler votre éloquence en fuite. Vous m'aimez, je sais, adieu. Elle va vers la maison. Pas tout de suite, je vous dirai. Que vous m'adorez, oui, je sais. Non, allez-vous-en. Elle lui ferme la porte au nez. Cyrano, qui depuis un moment est rentré sans être vu. C'était un succès. Christian, au secours. Non, monsieur. Je meurs si je ne rentre en grâce, à l'instant même. Et comment puis-je, diantre, vous faire, à l'instant même, apprendre? Oh, là, tiens, vois. La fenêtre du balcon s'est éclairée.